Nous nous sommes arrêtés sur la vision que Dieu a accordée au prophète Daniel au chapitre 7 de son livre. Et nous avons vu la corrélation qui unit ce chapitre 7 au chapitre 2, le récit du songe du roi Nebuchadnezzar. Dans ces deux chapitres, Dieu déroule le plan des grands événements de l'Antiquité, c'est-à-dire des quatre empires qui s'y sont succédés. L'empire babylonien, préfiguré en Daniel 7 par un lion aux ailes d'aigle, l'empire des Mèdes et des Perses, symbolisé par un ours qui dévore tout autour de lui, l'empire grec d'Alexandre, que ses quatre généraux se sont partagés, représenté dans le songe de Daniel par un léopard à quatre têtes. Nous nous étions arrêtés à la vision du quatrième animal, cet animal encore plus terrible qui laisse entrevoir l'empire romain. Lisons Daniel 7, 7. Et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Les dents de fer de ce monstre extraordinairement fort ne nous font-elles pas penser à l'invincible puissance des légions de César? N'ont-elles pas foulé aux pieds tout ce que la voracité des Babyloniens, des Perses ou des Grecs avait épargné? Et en quoi ce quatrième animal était-il différent des précédents? Sa tête portait 10 cornes. Dans l'Ancien Testament, les cornes symbolisent toujours la force politique et militaire. Dans le cas particulier, les 10 cornes sont 10 rois. Pour vous qui notez les références, cela est précisé en Daniel 7, 24 et Apocalypse 17, 12. Le monstre dépeint par Daniel évoquait donc un empire d'où devaient émerger 10 puissances politiques, 10 nations qui allaient jouer un rôle décisif dans le sort du monde méditerranéen. Mais que s'est-il passé dans l'histoire ? L'Empire romain s'est lamentablement effondré au 5e siècle et jusqu'à ce jour, aucune confédération de 10 nations ne s'est constituée pour exercer depuis les rives du bassin méditerranéen le pouvoir politique à l'échelle planétaire. Force nous est donc de convenir que la seconde partie de la prophétie de Daniel 7 ne s'est pas encore réalisée, ce qui laisse présumer un accomplissement littéral dans l'avenir. Un avenir probablement très proche de nous, où les nations d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient joueront un rôle prépondérant dans le pouvoir universel. Mais avant d'aller plus loin, un rappel est nécessaire. Au cours de nos émissions, nous avions abordé un aspect particulier de l'interprétation du livre de Daniel. Comme tous les autres prophètes de l'Ancien Testament, Daniel n'a pas eu révélation des événements qui concernent les 20 siècles de l'ère chrétienne. Pourquoi ? Parce qu'il s'adressait en priorité à son peuple, le peuple d'Israël, et qu'au cours de la longue période qui va de l'an 70 de notre ère à l'année 1948, Israël, dispersé dans tous les azimuts, a en quelque sorte perdu le fil de son histoire nationale. Or, pendant cet intervalle de près de 20 siècles, c'est l'Église universelle de Jésus-Christ qui occupe le premier plan aux yeux de Dieu. Et l'apôtre Paul l'a bien précisé aux Romains, chapitre 16, aux Éphésiens, chapitre 3, aux Colossiens, chapitre 1er, aucun prophète de l'Ancien Testament n'a eu révélation de l'Église. Alors, c'est tout simple. Comme les prophètes n'ont pas parlé de l'Église, ils n'ont pas fait non plus allusion aux événements contemporains à l'Église. Leur vision passait en quelque sorte par-dessus la période de l'ère chrétienne pour mieux projeter une vive lumière sur nos temps, ces temps où Israël a retrouvé sa place au sein des nations. Dans le chapitre 7 de Daniel, le prophète entrevoyait donc 2 événements distincts, 2 souverainetés politiques s'exerçant sur la Palestine à 20 siècles d'intervalle. Le songe accordé à Daniel nous fait donc passer, sans transition, de la Rome antique à des réalités futures mais imminentes, dont le bassin méditerranéen sera une fois de plus le centre névralgique. Nous lisons les versets 7 et 8. Je regardais, et voici, il y avait un quatrième animal, extraordinairement fort, différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. je considérai les cornes et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Les 10 cornes de ce monstre préfigurent donc 10 rois ou 10 royaumes particulièrement puissants, d'où surgira un dictateur universel qui s'assujettira le monde. Le Nouveau Testament l'appelle l'Antéchrist. Il doit séduire l'humanité entière et ensuite régner sur elle. Daniel a donc eu révélation de l'Antéchrist lorsqu'il a vu une autre petite corne. Elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. En effet, ce dictateur embrassera de son regard, les yeux de la petite corne, l'ensemble de la société humaine dont il contrôlera électroniquement tous les faits et gestes. N'est-ce pas ce que précise Apocalypse 13, versets 16 à 17 ? La bête, c'est-à-dire l'Antéchrist, fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et par l'arrogance de ses discours, cette bête, l'Antéchrist, subjuguera les foules en les poussant à la révolte contre Dieu. Daniel avait vu une bouche qui parlait avec arrogance, mais je reprends ici la description parallèle de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Apocalypse 13, 5 à 7. Remarquez, chers auditeurs, l'unité profonde de la parole de Dieu et le parallèle qui lie la vision apocalyptique de Jean à celle de Daniel, pourtant antérieure de 6 siècles. Lorsque Daniel reçoit, au verset 19 à 25 de ce chapitre 7, un complément d'information sur cette corne qui blasphème et profère des paroles arrogantes, il montre que les saints seront livrés à l'imposteur pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Traduisons, un temps égale une année, des temps égale 2 années, et la moitié d'un temps égale une demi-année. Cela fait 3 ans et demi. Donc, 42 mois, comme en Apocalypse 13, ou 1260 jours, comme en Apocalypse 11. 3 ans et demi de persécution terrible contre les croyants dans l'époque la plus bouleversée de l'histoire du monde. Mais la révélation accordée à Daniel ne s'arrête pas là. Lisons les versets 21 et 22 de Daniel 7. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Le Seigneur a toujours défendu ceux qui mettent en lui leur confiance. Il ne décevra pas les martyrs sous le règne de l'Antéchrist, comme il ne décevra pas non plus les nombreux chrétiens qui aujourd'hui souffrent pour leur foi dans les camps de concentration ou dans les hôpitaux psychiatriques. Et il ne vous décevra pas non plus, chers amis à l'écoute, si par attachement à Jésus-Christ, vous endurez l'affliction, l'opprobre ou toutes sortes d'épreuves. L'apôtre Paul l'a bien dit. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. 2 Timothée 2, versets 11 à 12. Remarquez-le bien, nous régnerons. Mais nous ne régnerons pas seuls. Nous régnerons avec lui, c'est-à-dire avec Christ. Et c'est bien là le point central de cette prophétie de Daniel 7. Je dirais le rayon laser qui la transperce, c'est-à-dire la suprême espérance qui s'en dégage. Lisons les versets 13 et 14 de Daniel chapitre 7. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Après le temps de l'Antéchrist, cet imposteur qui aura séduit l'humanité, le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Seigneur Jésus lui-même, reviendra donc pour juger ses ennemis, délivrer les nations et récompenser ses serviteurs fidèles. Une perspective qui a réjoui tous les auteurs du Nouveau Testament, mais dont le prophète Daniel avait eu en quelque sorte la primeur. Ainsi, le verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Oui, les dominateurs d'aujourd'hui disparaîtront, et ceux de demain seront contraints d'obéir à Jésus-Christ, le roi de la justice et le prince de la paix. Chers amis à l'écoute, prenez courage. Cessez de vous laisser impressionner par les épreuves qui vous affligent présentement. Au contraire, affirmez avec l'apôtre Paul, « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 17 à 18. « Élevez donc le regard de votre foi vers cette perspective bienheureuse, et que cette perspective vous aide à vivre et à vaincre dans les temps difficiles qui sont les nôtres. »